Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, François-Xavier Garneau, notre premier historien national. Les auteurs du 19e siècle, ils ont souvent le souffle court et aussi en fait la phrase courte et le paragraphe court et le livre court. Mais chez Garneau, il y a une quantité et une qualité de texte, je pense, qui en fait un auteur qu'on peut relire encore aujourd'hui et avec profit. Et un auteur qui nous paraît dans la forêt du 19e siècle, québécois ou canadien-français, comme un géant. L'historien Pierre Savard à l'émission « Entretien en 1978 » qui parle de François-Xavier Garneau comme d'un géant du 19e siècle au Canada français. La grande œuvre de François-Xavier Garneau, ce sera son histoire du Canada, une sorte de rappel aux Canadiens français qu'ils ont une histoire au passé glorieux et que ce passé glorieux est garant de leur avenir. Un rappel qui arrive, il faut le dire, quelques années après le rapport de Lord Durham et l'union du Haut et du Bas-Canada. Le premier tome de l'histoire du Canada est publié en 1845. Près de ses fils, sur le sol de l'enfance, certain vieillard annonçait le danger. D'un ton plaintif, éteint par la souffrance, disait souvent en voyant l'étranger: veillez mes fils au bien de la patrie, comme dépôt ne l'abandonnez pas, avec l'honneur et la paix de la vie, vous le savez, ça va du même pas. Avec l'honneur et la paix de la vie, vous le savez, ça va du même pas. Vous le savez, ça va du même pas. Charles Prévost interprétant « Le chant du vieillard sur l'étranger », une chanson écrite par l'historien et poète François-Xavier Garneau en 1831. Pour nous parler de l'œuvre et de la vie de François-Xavier Garneau, l'historien, professeur à la TELUC, Éric Bédard. Éric, bonjour. Bonjour. Le nom de François-Xavier Garneau, on le connaît. Il y a plein de parcs, de rues, d'écoles qui portent son nom. Pourtant, on a un peu oublié qui il était. Qui est-il donc, François-Xavier Garneau? François-Xavier Garneau, c'est quelqu'un qui est d'abord originaire de Québec. Il n'a pas terminé son cours classique puisque on jugeait qu'il n'était peut-être pas un bon clerc en devenir. Et de fait, il a toujours été gardé ses distances par rapport à l'Église. Donc, c'est une sorte d'autodidacte. Il a croisé un certain Joseph-François Perrault, à qui on a dédié une école dans le nord de Montréal. Ben, Joseph-François Perrault, c'était un pédagogue assez avant-gardiste. C'était un humaniste. Lui aussi, c'était quelqu'un qui est pas très proche de l'Église. C'est quelqu'un qui prônait une sorte de pédagogie mutuelle. Et c'est quelqu'un qui avait une magnifique bibliothèque. Donc, il a beaucoup appris aux côtés de Joseph-François Perrault et il a décidé, assez jeune, comme beaucoup de gens, beaucoup de lettrés canadiens-français, de devenir un notaire, un clerc, c'est-à-dire pas un clerc, mais un avocat, un clerc dans le sens de... Il a été clerc à la cour du banc du roi. Et donc, il a décidé de devenir un notaire et il a appris, il a fait ses classes chez un certain Archibald Campbell à Québec, qui lui aussi, belle chance pour lui, avait une très belle bibliothèque. Et donc, il va travailler pour lui. Il va se faire connaître d'abord, et là, c'est pas un hasard si on a entendu cette chanson, comme poète. Oui. C'est-à-dire que de 1831 jusqu'au début des années 1840, il va publier une trentaine de poèmes qui ont d'ailleurs été publiés récemment par Yolande Grisé et le regretté Paul Wyszynski. Donc, une étude très sérieuse de ses poèmes. Son plus célèbre poème est probablement Le dernier Huron, qui va paraître en août 1840 dans le journal Le Canadien, qui raconte, au fond, l'éclipse de ce peuple qui a été massacré par les Iroquois à la fin des années 1640. Et dans le fond, ce poème, c'est un rappel, c'est-à-dire que les peuples peuvent disparaître. Et donc, évidemment, il avait probablement en mémoire et en arrière-plan le destin du Canada français qui le hantait beaucoup, qui le préoccupait énormément. Et ça, ce sera tout au long de sa vie et de sa carrière une grande préoccupation. Puis la volonté de rappeler ça aux Canadiens français, ce sera très présent dans sa grande œuvre, son histoire du Canada, cette volonté de rappeler aux Canadiens français qu'ils ont une histoire, qu'ils forment un peuple et que tout ça est fragile. D'ailleurs, parenthèse, mais c'est peut-être pour ça, mais je sais Vous vouliez faire cette émission-là sur François-Xavier Garneau. C'est quelqu'un que vous admirez beaucoup. Pourquoi? Je l'admire beaucoup parce que quand je regarde aujourd'hui les moyens dont disposent les historiens pour écrire, faire de la recherche ou écrire des œuvres, alors on est en face d'un homme qui a écrit une œuvre imposante en termes de volume, hein, comme vient de le dire tout à l'heure Pierre Savard, mais en même temps une œuvre de très grande qualité. C'est un homme seul, François-Xavier Garneau, qui va s'attaquer à cette histoire du Canada en plusieurs tomes, qui va être réédité 3 fois de son vivant, traduit en anglais, résumé dans un abrégé qui va être distribué dans les écoles. C'est un homme seul, sans chaire de recherche, sans fonds, sans assistant, sans poste d'université. Écoutez, il n'y a pas d'université quand il commence son œuvre. L'Université Laval est fondée en 1852. Pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas de département d'histoire dans cette nouvelle université, c'est de la théologie et du droit. C'est un chercheur qui traque les documents anciens, encore là, il n'y a pas d'archiviste vraiment à sa disposition. Heureusement, il peut compter sur Louis-Joseph Papineau, qui a fait un séjour en France pendant 6 ans, qui a recopié à la main un grand nombre de documents qui n'étaient absolument pas accessibles. Il a une correspondance avec un archiviste français qui s'appelle Pierre Magri, et avec aussi Edmund O'Callaghan, un ancien patriote qui vit à Albany, qui est archiviste pour l'État de New York. Donc, c'est un esprit libre aussi. C'est pour ça que je l'admire beaucoup. C'est un esprit libre qui critique certaines décisions de la France, qui pense en dehors de l'Église, qui n'appartient à aucune faction, à aucun parti. Et surtout, c'est un écrivain. On est en face de quelqu'un qui rêvait de faire œuvre, de laisser une œuvre. Et tout ça, les fins de semaine et le soir, parce que monsieur était greffier à l'Hôtel de Ville de Québec. Ça a été son premier poste permanent qu'il a eu en juillet 1844. Donc, jusque de 1830 jusqu'en 1844, c'était une sorte de travailleur autonome. Il a été caissier de banque. Il a été notaire, mais il a eu quelques contrats. Il a été traducteur adjoint. Donc, il a eu comme ça des expédients. Et pendant ce temps-là, eh bien, il a fondé une famille, il a eu une femme. Et puis donc, il n'y a pas eu de conditions matérielles pour faire une œuvre qui est absolument magistrale. C'est impressionnant. C'est quelqu'un aussi qui, vous parliez du fait qu'il sera aidé par Papineau, qui, quand il est en France, retranscrit de longues portions d'archives. C'est ça. Il va voyager aussi lui-même. Je le signale parce que c'est rare, en fait, à l'époque. Il va passer du temps, 2 ans à Paris et à Londres. Gilles Marcotte, le grand critique Gilles Marcotte, dira de François-Xavier Garneau que c'est un de nos premiers retours d'Europe. Ouais. L'expression va devenir plus célèbre au 20e siècle. Il y en aura plusieurs par la suite, mais il est un de nos premiers retours d'Europe, c'est-à-dire ces voyages initiatiques en Europe qui permettent à certains intellectuels français donc d'avoir une sorte de contact avec une grande culture. Alors, c'est un beau concours de circonstances. De 1831 à 1833, il est le secrétaire de Denis Benjamin Vigé, qui est un peu l'émissaire du Parlement du Bas-Canada, à Londres. Ah bon? On avait un émissaire, quelqu'un qui parlait en notre nom, qui représentait les intérêts du Parlement du Bas-Canada, et il était un peu son secrétaire. Alors évidemment, c'était un travail, il s'occupait de la correspondance, les contacts, mais aussi il avait du temps pour lire. Et à Londres, par exemple, il s'est lié d'amitié avec des exilés polonais. Donc le sort de la nation polonaise, qui était occupée par les Russes à ce moment-là, l'a beaucoup intéressé. Il est allé aussi en France, il en a profité pour aller en France, dans une France dans laquelle régnait une ambiance d'ouverture, de libéralisme. On avait Louis-Philippe qui venait de prendre le pouvoir en 1830 et qui venait de se débarrasser donc de la dynastie des Bourbons. Il y avait une ambiance là d'ouverture, de libéralisme, et ça l'a beaucoup marqué, ça. Tout comme les œuvres, par exemple, de Jules Michelet, un grand historien français de la même époque, et surtout d'Augustin Thierry, un autre historien très important à l'époque, qui l'a beaucoup marqué, un peu plus oublié aujourd'hui. Donc, ce voyage-là a été vraiment déterminant, et quand il est revenu, il a pu aussi en même temps mesurer les limites, la pauvreté de sa société, mais il avait été très nourri, probablement très stimulé par ce qu'il avait vu et senti. Alors venons-en plus directement à cette œuvre qui sera sa grande œuvre, l'œuvre de sa vie, son histoire du Canada, publiée en plusieurs tomes. Dans quel contexte et pourquoi Éric Bédard se lance-t-il dans cette aventure? Il y a un mystère autour des débuts de l'écriture de l'histoire du Canada. Tout porte à croire, il y a une légende que longtemps courue, que ce serait une sorte de réponse à cette prophétie de Lord Durham que le Canada français était là un jour pour disparaître, hein, que ce peuple n'avait pas d'histoire. Donc, ça aurait été une sorte de réponse à la fois cette analyse et cette prophétie de Lord Durham. Mais chose certaine, au 19e siècle, on est dans une perspective où le temps est toujours en mouvement, où avoir un avenir, c'est avoir aussi un passé. Enfin, avoir un passé, c'est avoir un avenir. Et donc ça, c'est présent chez tous les grands historiens nationaux de la même époque. Jules Michelet, mais Bancroft aux États-Unis ou d'autres ailleurs. Et cette idée, elle sera centrale dans son histoire du Canada, puis elle arrivera dans un contexte qui est celui, vous parlez de la légende autour de Durham, ce qui est pas une légende, c'est que l'œuvre sera publiée en 1845, donc on est encore dans l'après-rapport de Lord Durham, dans l'union des bas et des hauts Canada. Extrait d'une émission qui s'appelle « Quand l'histoire rime » en 2002, on y fait la lecture d'un poème de François-Xavier Garneau, publié dans le journal Le Canadien en 1838, juste avant l'arrivée de Lord Durham, et où Garneau fait un peu l'éloge de Durham. Salut à toi, Durham, au caractère fort, et sois le bienvenu parmi les fils du Nord. Toi qui marchas toujours droit, grand dans la carrière, qui n'as jamais fléchi ni regardé derrière. D'un principe sacré, l'espérance et l'appui, on te dit au Sénat aussi stable que lui. Sur cette terre vierge où tu viens de descendre, les cœurs sont vifs mais droits et sauront te comprendre. Le champ est vaste et noble, il est digne de toi. Alors comment, qu'est-ce qu'il faut comprendre de son vie d'entendre? Parce que son rapport n'était pas écrit. Ouais. Alors Durham avait la réputation d'être un homme très libéral, très ouvert au progrès. Et c'est cet homme qu'on attend et dans lequel on place beaucoup d'espoir. Oui. Il n'est pas le seul, Garneau, à espérer de Durham un rapport qui va reconnaître les doléances du Parti canadien, du Parti patriote. Louis-Hippolyte Lafontaine avait le même espoir à la même époque dans sa correspondance. Mais Durham était tellement progressiste qu'il jugeait que, justement, la nationalité était un barrage, hein, un frein à l'histoire en marche. Bon, cette histoire du Canada de François-Xavier Garneau, donc, ce sera une œuvre, vous l'avez un petit peu évoqué, là, qui est engagée, qui est patriotique, qui a du souffle, hein, je reprends l'expression qu'on entendait de la bouche de l'historien Pierre Savard au tout début de l'émission. On écoute justement pour nous donner une petite idée de ce souffle-là, un extrait de l'histoire du Canada lu par Ronald France à l'émission Littérature en 1987. La hardiesse de Cartier, qui vient planter sa tente au pied de la montagne d'Hochelaga, au milieu de tribus inconnues, à près de 300 lieues de l'océan. La persévérance de Champlain, qui lutte avec énergie, malgré la faiblesse de ses moyens, contre l'apathie de la France et la rigueur du climat, et qui, triomphant enfin de tous les obstacles, jette les fondements d'un empire dont les destinées sont inconnues. Les souffrances des premiers colons et leur guerre sanglante avec la fameuse Confédération iroquoise, la découverte de presque tout l'intérieur de l'Amérique septentrionale, depuis la baie d'Hudson jusqu'au golfe du Mexique, depuis la Nouvelle-Écosse jusqu'aux montagnes rocheuses, les expéditions militaires des Canadiens dans le Nord, dans l'île de Terre-Neuve, et jusque dans la Virginie et la Louisiane, la fondation, par eux ou par leurs missionnaires, des premiers établissements européens du Michigan, de Wisconsin, de la Louisiane et de la partie orientale du Texas. Voilà, certes, des faits bien dignes de notre attention et de celle de la postérité. Alors, le souffle, on l'entend bien, le patriotisme aussi. Quelles sont les qualités, Éric Bédard, de cette histoire du Canada? Qu'est-ce qui fait que ce sera une œuvre si marquante? Alors, c'est certainement, sans contredit, une œuvre engagé, hein, qui prend acte de la mémoire léguée par les ancêtres, qui fait corps avec la nation dont il est issu. Il écrit d'ailleurs à Louis-Hippolyte Lafontaine en 1850 « Je veux, si mon livre me survit, qu'il soit l'expression patente des actes, des sentiments intimes d'un peuple dont la nationalité est livrée au hasard d'une lutte qui ne permet aucun espoir pour bien des gens. Je veux empreindre cette nationalité d'un caractère qui le fasse respecter par l'avenir. » Donc, engagé, mais en même temps, érudit. C'est pas un poème patriotique, hein, même si les poètes fait. Mais c'est une œuvre fondée sur des documents qu'il traque avec beaucoup de difficultés. À la même époque, on va fonder la Société historique de Montréal, justement, pour essayer de regrouper les documents. Il y a des mesures qui sont votées au Parlement pour, justement, mettre de l'ordre dans les archives. Œuvre multidisciplinaire aussi. C'est aussi, exactement, c'est une œuvre qui a une ambition totale, une œuvre totalisante. Hein. On a l'impression, à le lire, là, qu'il se fait parfois anthropologue avant la lettre, quand il brosse le tableau là, des mœurs autochtones du 17e siècle. Il est à la fois juriste et politologue, quand il décrit avec une certaine distance, mais avec beaucoup de justesse, le fonctionnement du Conseil souverain, des institutions américaines. Il se fait aussi parfois économiste, quand il explique, par exemple, le système du monnaie de carte qui se met en place au début du 18e siècle. Il est même un peu sociologue à sa façon, quand il étudie les différentes classes. Il étudie évidemment le peuple. Le peuple est un acteur pour lui, mais il voit bien qu'au sein du peuple, il y a différentes classes sociales. Donc, il a une ambition de comprendre, pas juste donc de faire une chronologie un peu simpliste, peut-être des événements, un récit qui peut être très intéressant, très riche, mais en même temps de comprendre les forces profondes qui ont permis à cette histoire d'être ce qu'elle a été. Et ce qui est très frappant, c'est que c'est un homme, je vous disais au tout début, qui n'a pas de parti pris. Par exemple, il critique la France de ne pas avoir envoyé davantage de protestants. Oui. On sait que la France, sous Henri IV, avait fait preuve d'une certaine largesse, d'ouverture. Henri IV lui-même était un ancien protestant. Et donc, il y avait eu cet acte de tolérance, l'édit de Nantes. Mais Louis XIV va révoquer l'édit de Nantes, un lobby jésuite très fort à l'intérieur de l'Église. Bon, peu importe. Et donc, ce que Garnaud dit, c'est le problème, c'est que contrairement aux Anglais, vous savez, les Anglais se sont débarrassés de leur minorité religieuse, ils ont envoyé en Amérique. Si les Français avaient envoyé une partie de leurs protestants en Nouvelle-France, eh bien, ça aurait changé complètement la carte. Mais qui vous pensez que ça va, à qui ça va déplaire ce genre de perspective-là? Évidemment, à l'Église. Ouais. L'Église qui ne voulait rien savoir de protestants dans la colonie, l'Église qui avait fait inscrire dans la charte de la Compagnie des Sans-Associés en 1627 que cette colonie était essentiellement ouverte à des catholiques. Donc, pour Garnaud, c'est une erreur d'avoir fait ça. Et lorsqu'il décrit, par exemple, les événements de 1837 et 38, là aussi, on sent qu'il n'a pas de parti pris. Il a une vraie sympathie pour les 92 résolutions, mais il est assez sévère pour ceux qui ont peut-être été un petit peu trop radicaux dans le feu de l'action, puis après, qui ont tourné leur veste. Et puis, ce qui rajoute une couche d'intérêt encore, si je puis dire, Éric, c'est que cette œuvre-là, ce sera l'œuvre de sa vie dans la mesure aussi où il y reviendra constamment, où il la retravaillera, et elle évoluera. Et sur la question de l'Église dont vous parliez, il y a des choses intéressantes à dire. On écoute un petit extrait, puis on en parle tout de suite après. L'historien Serge Gagnon, à l'émission Au fil du temps, en 1991. J'ai quelqu'un qui a d'une part un sentiment national assez aiguisé, mais qui en même temps pense que le clergé n'a pas été l'ami de la nation, comme plus tard, disons, les historiens du clergé aimeront à le proclamer. Donc, il pense a posteriori, si l'on veut, qu'une histoire de la Nouvelle-France où le clergé aurait eu moins d'influence nous aurait rendu plus susceptibles de survivre à la marée montante de l'anglophonie nord-américaine. Voilà une lecture du passé qui n'est pas jugée par le clergé de l'époque très respectueuse des mérites que le clergé va s'attribuer plus tard dans la constitution, disons, de la formation nationale. Il est évident que lorsque le premier tome de son histoire paraît sur les débuts de la Nouvelle-France, c'est quelqu'un d'assez osé dans le milieu, qui est un immigrant suisse, qui va le publier. Et Garnaud lui-même se dit « Le clergé n'a pas bien reçu mon œuvre, alors je fais des amendements dans les tomes qui suivent, etc. » Bon, ben Garnaud lui-même doit avoir des lecteurs. Et parmi ses lecteurs, c'est bien sûr qu'il ne peut pas compter sur la population qui est illettrée en bonne partie. C'est le début du déploiement du réseau scolaire qui va consister dans une alphabétisation systématique des Québécois. Il doit compter sur les gens qui savent lire, et c'est le clergé. Alors, quel est le fond de sa pensée, au fond, sur l'Église? Sur l'Église, comme le dit Serge Gagnon, comme c'est un esprit libre, il critique cette décision de la France, puisque, au fond, la nation, d'une certaine façon, est au-dessus de la ou des religions. La nation transcende les religions. Donc, si la nation canadienne-française avait eu une grande, grosse minorité protestante, je pense qu'il aurait très bien vécu avec ça. Le problème, c'est qu'au même moment, l'Église veut créer une sorte d'autre récit où elle veut montrer qu'au fond, l'histoire du Canada français, c'est l'histoire d'une grande épopée mystique. Et c'est pour ça qu'elle va demander, elle va appuyer le Jean-Baptiste Antoine Ferland, un autre historien qui va publier un petit peu presque en même temps, un peu après Garneau, une œuvre pour donner un contre-récit au récit de Garneau, ouais, qui est plus libéral, qui est plus libre, qui est pas dans cette perspective-là. Et donc, clairement, même le deuxième surintendant à l'instruction publique, qui est Charles-Joseph-Olivier Chauveau, lorsqu'on vient pour publier son abrégé, hein, c'est un peu un résumé de son œuvre, et qui va être disponible dans les écoles, ben Chauveau lui demande d'adoucir, oui, un peu les coins, de peut-être pas heurter trop le clergé. Et il y a une lettre célèbre de Garneau dans laquelle il lui dit, écoutez, là, oubliez ça. Quant à l'appréciation des événements historiques, je me suis conduit d'après un principe que vous approuverez sans doute, le respect sacré que j'ai toujours eu pour mes convictions consciencieuses et pour l'indépendance de mes opinions. Alors, il répond ça à Chauveau. Alors, vous voyez, c'est un être très libre, mais ceci dit, en effet, quand on lit, par exemple, son discours préliminaire, hein, je suggère au lecteur d'aller, c'est disponible en livre de poche, la version 1845, et si vous comparez le discours préliminaire de la première édition et de la dernière en 1859... Ça bouge, c'est beaucoup plus adouci en 59, c'est beaucoup moins porté, disons, par l'esprit des Lumières. Hein, on sent moins l'esprit des Lumières. Je vous donne un extrait qui a été biffé. Hein, nous croyons à l'existence future de ce peuple dont l'on regarde l'anéantissement dans un avenir plus ou moins éloigné comme un sort fatal, inévitable. Homme d'espérance, l'on n'entendra jamais ma voix prédire le malheur. Homme de mon pays, l'on ne me verra jamais, par crainte ou par intérêt, calculer sur sa ruine supposée pour abandonner sa cause. On voit là un style un peu plus emporté, militant à la limite, et on sent qu'il vise des gens. Hein. Moi, je suis pas là par intérêt, puis tout ça. Alors ça a été biffé. Donc, ce ton un peu plus engagé. Et on peut penser que c'était aussi toutes ces critiques de l'Église. Ce qui a frappé les analystes de Garneau par la suite, c'est une sorte de... Justement, c'est la distinction entre son discours préliminaire, qui est assez 18e siècle, très libéral, et sa conclusion, qui est finalement assez conservatrice. Dans sa conclusion de 1852, il nous dit, il invite les Canadiens français à ne pas se laisser, je le cite, se laisser distraire par les philosophies ou les rhéteurs sur les droits de l'homme et autres thèses qui amusent les peuples des grandes villes. Alors, d'un côté, au début, il nous dit, hein, les peuples, l'histoire est là, elle est en marche, ouais, les peuples sont la lumière du monde. Et à la fin, il nous dit, mais écoutez, le brillant des nouveautés, laissons ça aux grands. Nous, on peut pas se payer ça. Donc, il y a un peu une ambiguïté, mais qui est l'ambiguïté d'une époque aussi. Ouais. Je disais au début de l'émission, premier grand historien national. De fait, il est de son vivant, le sacré historien national. Oui. Y en a-t-il eu d'autres, Éric? Comment est-ce qu'on part, en tout cas? Ben, en tout cas, ce sont des gens qui ont à la fois voulu faire œuvre d'historien, mais en même temps être au service d'une action nationale, qui ont voulu perpétuer une mémoire nationale, qui n'ont pas voulu nécessairement être en réaction contre une mémoire nationale, qui ont voulu mieux comprendre le passé d'un peuple. Je pense que les successeurs de Garneau, il y en a deux à mon esprit. Il y a évidemment Lionel Groulx et il y a Guy Frégaux, malheureusement mort un peu plus jeune et qui n'a pas fait de grande synthèse, mais Guy Frégaux, pour moi, est l'un des très grands historiens qu'on a eu aussi. Éric Bédard, historien, professeur à la TELUC. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. C'est Jacques Beauchamp. Je vous dis à la prochaine.